Récit du buveur d'éther, Jean Lorrain, Les trous du masque pour Audiocité, par Eric. Les trous du masque. À Marcel Schwab. Le charme de l'horreur ne tente que les forts. Baudelaire. Chapitre 1. Vous voulez en voir, m'avait dit mon ami de Jackals. Soit, procurez-vous un domino et un loup. Un domino assez élégant de satin noir, chaussé des escarpins, et pour cette fois, des bas de soie noirs aussi. Et attendez-moi chez vous, mardi vers 10h30. J'irai vous prendre. Le mardi soir suivant, enveloppé dans les plis bruissants d'un long camail, un masque de velours à barbe de satin, assujetti derrière les oreilles, j'attendais mon ami de Jackals dans ma garçonnière de la rue Taitbout. Tout en chauffant aux braises du foyer, mes pieds à la fois irrités et grelottants sous le contact inaccoutumé de la soie. Dehors, les cornets à bouquins et les cris exaspérés d'un soir de carnaval m'arrivaient confus du boulevard. Assez étrange et même inquiétante à la longue, en y réfléchissant, cette veillée solitaire d'une forme masquée affalée dans un fauteuil dans le clair-obscur de ce rez-de-chaussée encombré de bibelots, assourdi de tentures avec, dans les miroirs pendus aux murailles, la flamme haute d'une lampe à pétrole et le vacillement de deux longues bougies très blanches, sveltes, comme funéraires, et de Jackals n'arrivait pas. Les cris des masques, éclatant au loin, aggravaient encore l'hostilité du silence. Les deux bougies brûlaient si droites qu'un énervement finissait par me prendre, et soudain effaré devant ces trois lumières, je me levais pour aller en souffler une. En ce moment, une des portières s'écartait, et de Jackals entra. De Jackals, je n'avais entendu ni sonner ni ouvrir. Comment s'était-il introduit dans mon appartement? J'y ai songé depuis souvent. Enfin, de Jackals était là, devant moi. De Jackals, c'est-à-dire un long domino, une grande forme sombre, voilée et masquée, comme moi. Vous êtes prêt à interroger sa voix que je ne reconnus pas, tant elle était altérée. Ma voiture est là. Nous allons partir. Sa voiture. Je ne l'avais entendu ni rouler ni s'arrêter devant mes fenêtres. Dans quel cauchemar, dans quelle ombre, et dans quel mystère avais-je commencé de descendre? C'est votre capuchon qui vous bouche les oreilles. Vous n'avez pas l'habitude du masque, pensait à haute voix de Jackals qui avait pénétré mon silence. Il avait donc ce soir toutes les divinations, et, retroussant mon domino, il s'assurait de la finesse de mes bas de soie et de mes minces chaussures. Ce geste me rassurait. C'était bien de Jackals, et non un autre qui me parlait sous ce domino. Un autre n'aurait pas eu souci de la recommandation faite à moi par de Jackals il y avait une semaine. « Eh bien, nous partons, » commandait la voix. Et dans un bruissement de soie et de satin qu'on froisse, nous nous engouffrions dans l'allée de la porte cochère, assez pareille, il me sembla, à deux énormes chauves-souris dans l'envolement de nos camails, soudainement relevés au-dessus de nos dominos. D'où venait ce grand vent, ce souffle d'inconnu? La température de cette nuit de Mardi Gras était à la fois si humide et si molle. Grand 2. Où roulions-nous maintenant, tassés dans l'ombre de ce fiacre extraordinairement silencieux, dont les roues, pas plus que les sabots du cheval, n'éveillaient de bruit sur le pavé de bois des rues et le macadam des avenues désertes? Où allions-nous? le long de ses quais et de ses berges inconnues, à peine éclairée çà et là par la lanterne falote d'un antique réverbère. Depuis longtemps déjà, nous avions perdu de vue la fantastique silhouette de Notre-Dame se profilant de l'autre côté du fleuve sur un ciel de plomb. Quai Saint-Michel, quai de la Tournelle, quai de Bercy, même, nous étions loin de l'Opéra, des rues Drouot, le Pelletier, et du Centre. Nous n'allions même pas à Bullier, où les vices honteux tiennent leurs assises, et s'évadant sous le masque, tourbillonnent presque, démoniaques et cyniquement avoués, les nuits de Mardi Gras, et mon compagnon se taisait. Au bord de cette scène taciturne et pâle, sous l'enjambement de ponts de plus en plus rares, le long de ces quais plantés de grands arbres maigres, aux branchages écartés sur des ciels livides comme des doigts de mort, une peur irraisonnée me prenait, une peur aggravée par le silence inexplicable de Dud Jackals. J'en arrivais à douter de sa présence et à me croire auprès d'un inconnu. La main de mon compagnon avait saisi la mienne, et quoique molle et sans force, la tenait dans un étau qui me broyait les doigts. Cette main de puissance et de volonté me clouait les paroles dans la gorge, et je sentais sous son étreinte toute velléité de révolte fondre et se dissoudre en moi. Nous roulions maintenant hors des fortifications, et par des grandes routes bordées de baies et de mornes devantures de marchands de vin, guinguettes de barrières depuis longtemps closes, nous filions sous la lune, qui venait enfin d'écorner un amas flottant de nuages et semblait répandre sur cet équivoque paysage de banlieue une nappe grésillante de sel. À ce moment, il me sembla que les sabots des chevaux sonnaient sur le terre-plein des routes, et que les roues du fiacre, cessant d'être fantômes, criaient dans les pierrailles et les cailloux du chemin. « C'est là !» murmura la voix de mon compagnon. « Nous sommes arrivés, nous pouvons descendre. » Et comme je balbutiais intimide, « Où sommes-nous ? » ?»« Barrière d'Italie, hors des fortifications. Nous avons pris la route la plus longue, mais la plus sûre. Nous reviendrons par une autre, demain matin. » Les chevaux s'arrêtèrent, et de Jackals me lâchait pour ouvrir la portière et me tendre la main. Grand 3. Une grande salle, très haute, aux murs crépis, à la chaux, des volets intérieurs hermétiquement clos aux fenêtres, et, dans toute la longueur de la salle, des tables avec des gobelets de fer blanc retenus par des chaînes. Dans le fond, surélevé de 3 marches, le comptoir en zinc, encombré de liqueurs et de bouteilles à étiquettes coloriées des légendaires marchands de vin, là-dedans le gaz sifflant, haut et clair. La salle, en somme, sinon plus spacieuse et plus nette, d'un troquet de barrières achalandées, dont le commerce irait bien. Surtout, pas un mot à qui que ce soit, ne parlait à personne, et répondait encore moins. Ils verraient que vous n'êtes pas des leurs, et nous pourrions passer un mauvais quart d'heure. Moi, l'on me connaît, et de Jackals me poussait dans la salle. Quelques masques y buvaient, disséminés. À notre entrée, le maître de l'établissement se levait, et pesamment, entraînant les pieds, venait au-devant de nous comme pour nous barrer le passage. Sans un mot, de Jackals soulevait le bas de nos 2 dominos et lui montrait nos pieds chaussés de fins escarpins. C'était le « Sésame, ouvre-toi », sans doute de cet étrange établissement. Le patron retournait lourdement à son comptoir et je m'aperçus, chose bizarre, que lui aussi était masqué, mais d'un grossier cartonnage, burlesquement enluminé, imitant un visage humain. Les deux garçons de service, de colosses, aux manches de chemise, retroussés sur des biceps velus de lutteurs, circulaient en silence, invisibles, eux aussi, sous le même affreux masque. Les rares déguisés qui buvaient assis autour des tables étaient masqués de velours et de satin. Sauf un énorme cuirassier en uniforme, sorte de brute à la mâchoire lourde et à la moustache fauve, attablé auprès de deux élégants dominos de soie mauve et qui buvaient à face découverte, les yeux bleus déjà vagues, aucun des êtres rencontrés là n'avait visage humain. Dans un coin de grand blousard, à casquette de velours, masqué de satin, noir, intrigué par leur élégance suspecte, car leur blouse était de soie bleue pâle, et du bas de leur pantalon trop neuf s'effilaient d'étroits orteils de femmes gantées de soie et chaussées d'escarpins. Et comme hypnotisé, je contemplerai encore ce spectacle si de Jackels ne m'avait entraîné dans le fond de la salle vers une porte vitrée fermée d'un rideau rouge. Entrée du bal, était-il inscrit au-dessus de cette porte en lettres historiées d'apprentis rapins. Un garde municipal montait la garde auprès. C'était au moins une garantie, mais en passant, ayant heurté sa main, je m'aperçus qu'elle était de cire comme sa figure, rose hérissée de moustaches postiches. Et j'eus l'horrible conviction que le seul être dont la présence m'eût rassuré dans ce lieu de mystère était un simple mannequin. Chapitre 4. Depuis combien d'heures est-ce que j'errais seul au milieu de ces masques silencieux, dans ce hangar voûté comme une église? Et c'était une église, en effet, une église abandonnée et désaffectée, que cette vaste salle aux fenêtres en ogive, la plupart à moitié murée, entre leurs colonnettes à rideaux, à rinceaux, badigeonnées d'un épais enduit jaunâtre, où s'enlisaient les fleurs sculptées des chapiteaux. Étrange bal, où l'on ne dansait pas, et où il n'y avait pas d'orchestre. De Jackels avait disparu. J'étais seul, abandonné au milieu de cette foule inconnue. Un ancien lustre, en fer forgé, flambé haut et clair, suspendu à la voûte, éclairant des dalles poudreuses, dont certaines noircies d'inscriptions recouvraient peut-être des tombeaux. Dans le fond, à la place où certainement devait régner l'autel, des mangeoires et des râteliers couraient à demi-hauteur du mur, et c'était dans les coins des tas de harnais et de licols oubliés. La salle de bal était une écurie. Ça et là des grandes glaces de coiffeurs, encadrées de papier doré, se renvoyaient de l'une à l'autre la silencieuse promenade des masques. C'est-à-dire qu'elle ne se la renvoyait plus, car ils s'étaient tous maintenant assis, rangés, immobiles des deux côtés de l'ancienne église, ensevelis jusqu'aux épaules dans les anciennes stalles du chœur. Ils se tenaient là, muets, sans un geste, comme reculés dans le mystère sous de longues cagoules de drap d'argent, d'un argent mat au reflet d'or, mort, car il n'y avait plus ni domino, ni blouse de soie bleue, ni colombine, ni pierrot, ni déguisement grotesque. Mais tous ces masques étaient semblables, gainés dans la même robe verte, d'un vert blême, comme soufré d'or, à grandes manches noires, et tous encapuchonnés de vert sombre, avec dans le vide du capuchon les deux trous d'yeux de leur cagoule d'argent. On eût dit des faces crayeuses de lépreux des anciens lazarets. et leurs mains gantées de noir érigeaient une longue tige de lys noir à feuillage pâle, et leur capuchon, comme celui du Dante, était couronné de lys noir. Et toutes ces cagoules se taisaient dans une immobilité de spectre, et au-dessus de leur couronne funèbre, l'ogive des fenêtres se découpant en clair sur le ciel blanc de lune, les coiffait d'une mitre transparente. Je sentais ma raison sombrer dans l'épouvante, le surnaturel m'enveloppait. Cette rigidité, le silence de tous ces êtres masqués, quel était-il ? Une minute d'incertitude de plus, c'était la folie. Je n'y tenais plus, et d'une main crispée d'angoisse, m'étant avancé vers un des masques, je soulevai brusquement sa cagoule. Horreur ! Il n'y avait rien. Rien. Mes yeux hagards ne rencontraient que le creux du capuchon. La robe, le camail, étaient vides. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Fou de terreur, j'arrachai la cagoule du masque assis dans la stalle voisine. Le capuchon de velours vert était vide, vide le capuchon des autres masques assis le long des murs. Tous avaient des faces d'ombre, tous étaient du néant, et le gaz flambait plus fort, presque sifflant dans la haute salle. Par les vitres cassées des ogives, le clair de lune éblouissait, presque aveuglant. Alors une horreur me prenait au milieu de tous ces êtres creux, aux vaines apparences de spectres. Un doute affreux m'étreignit au cœur devant tous ces masques vides. Si moi aussi j'étais semblable à eux, si moi aussi j'avais cessé d'exister, et si sous mon masque il n'y avait rien, rien que du néant, je me précipitai vers une des glaces. Un être de songe s'y dressait devant moi, encapuchonné de vert sombre, couronné de lys noir, masqué d'argent. Et ce masque était moi, car je reconnus mon geste dans la main qui soulevait la cagoule, et, béant d'effroi, je poussai un grand cri, car il n'y avait rien sous le masque de toile argentée, rien dans l'ovale du capuchon, que le creux de l'étoffe arrondie sur le vide. J'étais mort, et je... Es-tu encore bu de l'éther ? Grondait dans mon oreille la voix de Jackals. Singulière idée pour tromper ton ennui en m'attendant. J'étais étendu au milieu de ma chambre, le corps glissait sur le tapis, la tête posée sur mon fauteuil. Et de Jackals, en tenue de soirée sous une robe de moine, donnait des ordres fébriles à mon valet de chambre ahuri, tandis que les deux bougies allumées arrivaient à leur fin, faisaient éclater leurs bobèches et m'éveillaient. Il était temps.